Je crois que cela tient d'abord à la situation politique dans nos pays, c'est-à-dire au multipartisme tel qu'il existait dans nos pays, parce que ce n'est pas la première fois que nous faisons l'expérience du multipartisme. À l'indépendance, il y avait plusieurs partis. Et c'est après, petit à petit, que c'est devenu parti unique, etc., ceux qui sont marxistes, etc. Et les politiciens savent que si ils faisaient appel à quelqu'un qui est d'un parti, que ça risque de ne pas marcher. Parce que, étant donné que lui, il est de tel parti, et ce parti est opposé à tel autre parti, tout ce qu'il proposera ne sera pas accepté. Donc ils ont voulu quelqu'un qui soit neutre, qu'on ne taxe pas de favoriser tel ou tel parti. Bon, ils ont voulu d'abord ça. Deuxième chose, ils ont tenu compte de l'ambiance générale du pays, où la foi en Dieu, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les vaudousis, que ce soit chez les chrétiens, a encore une certaine importance dans le pays. Le respect de l'autorité morale est encore vivace. Donc ils ont voulu quelqu'un qui soit revêtu d'une certaine autorité morale, capable d'apaiser les troupes lorsque ces troupes ont tendance à appuyer un peu trop vite sur la gâchette. Une fois souligné le caractère original et par certains aspects exemplaires des expériences sénégalaises et béninoises, il convient de regarder ailleurs, de voir comment, dans d'autres pays, le pouvoir politique va réagir. L'on peut a priori distinguer deux grandes catégories. Il y a d'abord les pays où les chefs d'État, les pères de la nation, vont résister, s'adapter ou faire semblant de s'adapter à cette poussée démocratique généralisée. Et puis l'autre catégorie, celle des pays qui verront, pour de multiples raisons, le pouvoir changer de main. Quelques exemples de ces pays où les chefs d'État vont se maintenir. En Côte d'Ivoire d'abord. Et dans les 8 jours qui suivent la clôture de la conférence béninoise, est-ce un hasard, le président Félix Houphouët-Boigny intervient à la télévision sur fond de crise sociale et économique aiguë.